tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Le sentiment océanique, une série d'Aline Pénito réalisée par Gilles Mardi-Rossian. Au départ de cette série, il y a cette 8e semaine confinée et l'envie de changer d'air pour courir vers la mer. Il y a cette mystérieuse attraction pour l'océan, formulée par Romain Rolland, et le souvenir du Grand Bleu qui a donné envie à toute une génération de retenir son souffle. Alors pour commencer, les personnages. Un apnéiste gelé, un philosophe qui propose, deux apnéistes qui s'entraînent, un homme sous la glace, une femme dans les profondeurs, un homme ivre en narcose, un autre en syncope et un comédien dauphin. Ensuite, le décor. De l'eau froide, le canal Saint-Martin, le ralenti, la symbiose, la psychanalyse, le froid de la mort, les endorphines du néoprène, un câble, une erreur, un film et une grande goulée d'air en sortant. Aujourd'hui, premier épisode, fiche d'identité. Arthur Guérin-Bouhery, né le 13 août 1984 à Nice. Taille 1m97. Poids 95 kg. Volume pulmonaire total. Entre 11 et 12, peut-être 13 litres. Moyenne ? Moyenne pour un homme de mon âge, je dirais 7 litres. Rythme cardiaque en apnée. Au plus bas pendant une apnée, je dirais 27-28 pulsations minute. Capacité de rétention statique. 7 minutes 28. Distance max en apnée dynamique avec palme. 300 mètres. Distance max en apnée dynamique sans palme. 221 mètres. Profondeur max, poids constant avec palme. 70 mètres. Moins 70 mètres. Moins 70 mètres, oui. 70 mètres de profondeur. Profondeur max, poids constant, sans palme. Moins 65 mètres. L'apnée et l'infini. On va prendre la température. La température. Pour ça, j'ai cette petite marguerite. Magnifique. Qui est donc un thermomètre pour le bain de bébé. Et qui va nous donner une température à peu près précise de l'eau. Donc là, à mon avis, on va être entre 5 et 6, on va voir. On va poser ça dans la flotte. Hop, j'irai le chercher tout à l'heure et on verra ce qu'il indique. Ce moment-là, c'est le plus dur en fait. C'est celui-là, c'est celui où on n'est pas encore dans l'eau, il faut se déshabiller et y aller. Fini l'anorak, fini le pantalon. Le petit maillot de l'équipe de France d'apnée. Je tiens à préciser que c'est un petit maillot. Hein. C'est pas un maillot qui couvre les cuisses. Hein. D'accord. Que nous dit la petite Marguerite? Alors. Ah bah on est à 5 piles. 5 degrés. 5 piles en surface, ouais. Voilà, on va la laisser dedans, mais a priori on est à 5. Donc effectivement, ça va piquer. Ça va piquer. Allez, feu. Paris, 21 janvier 2020. Arthur Guérin-Bouhery est quintuple champion du monde d'apnée. Il est le français le plus titré de l'histoire du sport et il s'entraîne avec désinvolture dans les eaux froides du canal Saint-Martin. Une grande énigme que l'apnée, aussi ancienne que l'arrivée sur Terre de l'espèce humaine. Cette pratique est partagée par l'ensemble des mammifères qui, dès que les voies respiratoires se retrouvent sous l'eau, déclenchent des réflexes d'immersion. Par-delà des distances vertigineuses parcourues avec une seule inspiration, il semble se cacher quelque chose de très archaïque derrière tout cela. Elle est fraîche, hein? Ouh, elle est plus fraîche que l'autre jour. Un moment d'égarement dans la médiathèque de Radio France, et voilà qu'on me met dans les mains un petit livre fort à propos, écrit par un philosophe canadien, Yves Vaillancourt. Il décortique un sentiment, le sentiment océanique. Cette expression est utilisée par l'écrivain Romain Rolland dans sa correspondance avec Freud. Il est à la fois question d'expérience, de sensation et d'extase. J'écris alors à Yves Vaillancourt mes égarements apnéistes. Il me laisse un jour ce message. Ce qui me frappe dans la pratique des apnéistes, c'est l'expérience de l'abandon et du détachement. Oui, Freud y verrait toujours le fantasme du retour à la mer. Alors là, je reste comme ça en surface. Mais peut-on associer l'abandon au narcissisme? Les bras et les épaules en dehors de l'eau. Je ne crois pas. Juste le temps que ça se calme un peu. Le souffle, hein, comme ça. Ouais, il vaut mieux éviter de bloquer la ventilation et de halter, tu sais. Même si parfois c'est très dur à contrôler. Ce qui est très important, c'est d'essayer de contrôler la ventilation et de marquer des longues expis, de surtout pas bloquer la ventile et rester au calme. Ça descend doucement. Le sentiment océanique, c'est une expérience fulgurante, rare, sans limite. Là, elle est vraiment fraîche. Qu'évoquait en son temps l'écrivain Romain Rolland. Je vais pas tarder à pouvoir commencer à nager un peu. Dans son livre « Malaise dans la civilisation », Freud revient sur sa correspondance avec son grand ami océanique, ce même Romain Rolland. Freud interprète ce sentiment comme une régression au narcissisme infantile primaire. Une affirmation, disons, peu diplomatique. Jean-Marc Barre, quant à lui, évoque ce qu'il appelle l'insignifiance de nos vies. La tête, c'est toujours quelque chose. En effet, lorsqu'ils racontent leur pratique, d'autres apnéistes, plus aguerris, parlent de baisser le métabolisme. Okay. Le cœur au ralenti, vidage max, poumons vides, apnées successives. Pour aller chercher le thermomètre. Les poumons sont gonflés au max, c'est vrai, mais l'ego, lui, ne l'est pas. Il s'agit plutôt d'une réduction, voire d'une disparition. Subsister avec une seule respiration, puis faire corps avec l'eau, sentir se dissoudre la frontière physique. On va voir ce qu'il nous dit. Et paradoxalement, cette réduction est ce qui permet l'expérience de plénitude dont elle nous parle. Une symbiose goûtée à chaque instant d'éternité jusqu'à la remontée. Ah, la vache! Ah, ça pique! Dans son livre Thalassa, Sandor Ferenc, un psychanalyste contemporain de Freud, ne nous cache pas l'envers de cette expérience. La quête infinie des profondeurs est aussi une aspiration vers le froid, vers la mort. Elle est à moins de 5, là, c'est sûr. 4,8 en surface. Ce qui veut dire que à 50 cm de la surface, elle est déjà beaucoup moins chaude. Peut-être même que les hommes cherchent à retourner à l'état de repos dont ils jouissaient avant de naître. Il est saisissant d'entendre parler les apnéistes de ce bleu sans fin qui les attire comme la mort, comme l'éternité. Donc là, ça fait 10 minutes que je suis dedans. Et aujourd'hui, je pense que ça suffira. Je vais sortir. Ouais. Donc je vais pas pousser le bouchon trop loin. Non, je regarde, je fais ça parce que au moment où on peut plus faire ça, toucher le pouce et le petit doigt là, c'est qu'on commence à être en hypothermie. Donc là, ça va encore. Ok, c'est le moment de sortir. Allez. Et donc là, l'idée, c'est de très vite se rhabiller. Plus d'un apnéiste boire un truc chaud. Fait aussi l'expérience de la syncope. Évanoui un instant, donc, bon, ils ont été sauvés des eaux, ce qui est un mythe universel. Ensuite, alors là, dans à peu près 5 minutes, je vais commencer à trembler et ça va durer une bonne demi-heure. Où j'aurai même du mal à parler. Parce que là, j'ai vraiment froid. Là. Ferenc va un peu plus loin. Il envisage que l'être humain puisse revivre des expériences antérieures qu'il associe à l'enfance de l'espèce. Alors, on sent pas si on est mouillé ou pas. Parce qu'on est complètement anesthésié, là. La peau comme du carton. La peau, c'est du carton, ouais. On sent rien. Donc, faut faire attention à bien se sécher, quand même. Comme si nos apnéistes accédaient au passé le plus reculé des êtres vivants. Peut-être même celui des mammifères marins. Pour Ferenc, la naissance conserverait même la mémoire de l'assèchement, cette étape dans l'évolution des espèces qui a précédé l'émergence de l'être humain. Quand est-ce qu'on sent la montée des endorphines? Ah bah là, dans une demi-heure, quand le froid sera passé, après c'est planage total. Ouais. Et voilà. Et là, on se réchauffe maintenant. Cagoule, hein, double cagoule. Hein. Ouais. Grosse. Mais là, aujourd'hui, j'ai très froid. Ça va aller, hein, mais. 23 février 2020. Guillaume Néry et Alice Modolo partent s'entraîner en eau froide. Cédric Palerme, responsable du centre de plongée, est aujourd'hui leur apnéiste de sécurité. Mais tu sais que cette année, je veux enlever le masque. Le masque. Pour avoir ce geste en moins à faire, parce que souvent il reste bien ventousé sur le visage. Et essaye même de garder les yeux ouverts le plus possible. Moi, j'ouvre les yeux toute la descente. Si tu t'habitues avec les yeux fermés, tu auras le stress de dire « Mon Dieu, faut pas que je les ouvre, parce que si je les ouvre... » Il va se passer ça. Du coup, il faut que je m'habitue à... Au pire. À les garder ouverts, ouais. Je vais commencer au masque, quand même. Non, direct. Allez, direct. Alice Modolo, née le 23 octobre 1984. Record de France dynamique sans palme. J'ai eu un record en dynamique sans palme en piscine à 123 mètres. Record de France dynamique avec palme. Mon record de France en dynamique avec palme était de 185 mètres. Record de France immersion libre. À moins 71 mètres. Record de France poids constant monopalme. À moins 95 mètres. Record de France poids constant bipalme. Record de France poids constant bipalme à 82 mètres. Record de France de profondeur en poids constant. À moins 95 mètres. Ce qui me classe parmi les 10 meilleurs hommes français de tous les temps et les 10 meilleures femmes au monde. Ça va Cédric ? Ouais, nickel, on est en place. Faut mettre l'ancre ? Bah oui. Allez. C'est parti. On balance l'ancre. Où est-ce qu'on est ? On est dans la rade de Villefranche. C'est Guillaume ça, c'est sa maison ici. La baignoire. Ici on est pas très loin de la pointe de la Gavinette. Donc c'est la partie est de la rade. Et la particularité de cette rade, c'est que on a de la grande profondeur très proche du bord. Donc là on a une centaine de mètres du bord et pourtant là ici il doit y avoir 60 mètres je pense. Fait que c'est un lieu unique. Si on veut, on peut avoir 200 mètres de fond à quelques mètres de là. Et on est dans une rade, c'est-à-dire qu'on est protégé. On est en train d'installer le câble de plongée, la ligne, donc on la laisse, il y a 15 kg au bout. Et là, on met la corde dans l'eau. On va la régler sur la profondeur qui va bien, donc sur la corde est marquée, qui a des marques, donc on sait exactement à quelle profondeur on met le plomb du fond pour pouvoir travailler. Là par exemple il y a 50 mètres, 50. Il y a 5 marques. Ok, bon elle va le mettre sur 50, 51, 52. Voilà. On bloque ça et on est prêt. Alors là aujourd'hui c'est une sortie d'entraînement, on va vraiment pas aller dans des profondeurs proches de nos limites. Sur une sortie profonde, on a besoin de 2-3 apnéistes de sécurité dans l'eau, plus une ou deux personnes sur le bateau pour contrôler tous les aspects de la descente. Donc c'est un peu plus lourd, mais c'est la règle numéro 1. Jamais être tout seul et toujours avoir un binôme, avoir quelqu'un avec qui plonger. Ouh. Oh là, il fait froid. Guillaume Néry, né le 11 juillet 1982, à Nice. 2002, record du monde. Moins 87 mètres, en poids constant, et je deviens le plus jeune recordman du monde de l'histoire de l'apnée à 20 ans. 2004, record du monde. Moins 96 mètres, en poids constant, sur l'île de la Réunion. 2006, record du monde. moins 109 mètres, toujours en poids constant à Nice. 2008, record du monde. Mon quatrième record du monde à moins 113 mètres, en poids constant avec ma monopalme, et toujours à Nice. 2011, champion du monde individuel. Mon premier et seul titre de champion du monde individuel en poids constant à moins 117 mètres à Kalamata en Grèce. 2015, record de France. À moins 126 mètres, c'est ma plongée la plus profonde jamais réalisée et c'était la deuxième plongée la plus profonde de l'histoire. C'était à Chypre. Enfin, moi aussi, je tiens la corde. Tu sens la vibration? Ou pas? Ouais, je sens. Il tourne. 8 septembre 2015, à Chypre, en Méditerranée. Guillaume Néry se prépare pour les championnats du monde qui vont avoir lieu quelques jours plus tard. Il participe à une petite compétition préparatoire, mais officielle. Il décide de battre son propre record et annonce une plongée à moins 126 mètres, soit un mètre de plus que son record précédent. Il est prêt, il n'a jamais été aussi prêt. Son idée est de réussir ses moins 126 mètres pour pouvoir annoncer quelques jours plus tard moins 129 mètres, soit un cinquième record du monde. Ce matin-là, j'ai une très grande angoisse, très grande anxiété. Qui précède les moments des grandes plongées, des plongées profondes. Et sur la plateforme, je prends un temps pour poser mes affaires, m'allonger, je me détends et là je focalise toute mon attention sur la respiration. Les juges qui sont sur le bateau sont là pour nous rappeler, nous faire un compte à rebours et donc quand j'entends qu'il me reste 10 minutes, là je me mets dans l'eau. Et là, ce jour-là, je me souviens très bien que quand j'entends les 2 minutes, j'esquisse un petit sourire de confiance et je sens que tous les paramètres sont au vert. 2 minutes, 1 minute 30, 1 minute, 30 secondes, 20 secondes, 10 secondes, 5, 4, 3, 2, 1, official top. Dès que mon corps est entièrement immergé, que ma palme est complètement sous l'eau, je dois mettre en mouvement. Et je commence les mouvements de palmage. Je me faufile entre les molécules d'eau. Donc moi, je descends avec une monopalme dans une discipline où je n'ai pas d'aide extérieure, pas comme dans le film Le Grand Bleu. On voit Jacques Mayol et Enzo Mallorca descendre avec ce qu'on appelle une gueuse, c'est une machine. Et ce jour-là, je sens très bien que dès les premiers mètres, Tout est parfait. Et donc, je m'enfonce dans ces eaux de plus en plus profondes. Et là, je vais ressentir la pression de l'eau sur mon corps, et notamment sur la cage thoracique. Il arrive un moment, entre 20 et 30 mètres environ, où la flottabilité va s'inverser. Et là, je sens que je suis aspiré par le fond. Et c'est le début d'une phase qui est extraordinaire, hein, la phase de la chute libre. Je peux me permettre d'arrêter, de palmer, et je peux glisser sans faire plus aucun effort. Mais c'est une chute qui est très douce, qui est très lente. J'ai plutôt la sensation de voler sous l'eau. Entre 30 et 40 mètres, on va rencontrer ce qu'on appelle une thermocline. Donc ça, ce phénomène-là, on le rencontre en Méditerranée. Et là, soudainement, on passe de 28 degrés à 14-15 degrés instantanément. Et c'est vraiment brutal et ça peut être vécu comme un mur. J'ai toujours adoré ce passage dans l'eau froide parce que je sais que le corps va ralentir encore plus et va me permettre d'économiser encore plus d'énergie, encore plus d'oxygène. C'est un peu comme si le froid crée les conditions d'hibernation. C'est exactement ce que l'on recherche quand on va très profond. On veut que le corps il se mette en pause. Voilà, Cèdre est parti. À la rencontre de Guillaume. Ils sont en visu là, je les vois sous la surface qui remonte tous les deux. Voilà, on sait exactement combien de temps il nous faut pour descendre. Quand on a le repère qui tourne au fond de l'eau, on attend quelques secondes et l'apnéeuse de sécurité part pour remonter avec lui et assurer sa sécurité. Puisque c'est en remontant qu'il peut y avoir le plus le risque d'accident. Et donc du coup, si l'apnéiste est en manque de souffle, c'est à ce moment-là que l'apnéiste de sécurité lui assure la sécurité et le remonte. Mais là, c'était une plongée facile pour toi, ça, Guillaume. Ah, c'était chouette. Mais c'est froid quand même, ça y est, là. Ouais, c'est, le corps, c'est, il... c'est violent. Hein. Ouais, le corps, il... Tu sens qu'il se passe plein de trucs, quoi. En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça le perturbe tellement qu'il arrête d'essayer de réfléchir à ce qui se passe. À la prochaine, je la fais au masque, puis on est devant le pont. 11 mars 2017, lac gelé de Zonanen en Finlande, au nord d'Helsinki. Arthur Guérin-Bouhiri annonce 175 mètres de distance horizontale sous la glace. Le précédent record est de 150 mètres. Il est tenu par Stig Zedrinsen. C'est une journée qu'on commence avec une nuit difficile déjà la veille, avec beaucoup d'incertitudes et beaucoup d'envie, en même temps beaucoup d'excitation. Et là, on se gare au bord de ce lac qui a été choisi parce qu'il y a une eau très limpide. Et sur ce lac, il y a une tranchée de neige qui a été dégagée sur 175 mètres, qui a été dégagée à l'aide de machines, hein, évidemment. On n'a pas fait ça à la raclette, quoi. Parce que la glace fait quand même au moins 50 cm d'épaisseur. Et là, sur le long de cette tranchée, il y a des trous. Il y a un premier trou dans lequel je vais partir. Et il y a le trou d'arrivée qui est 175 mètres plus loin. Et entre ces deux trous, il y a une première issue de secours à 50 mètres. Et ensuite, tous les 25 mètres, entre 50 et 175, il y a de nouveau une issue de secours. Et là, j'arrive donc au bord de ce lac. Et je commence à visualiser ma performance, c'est-à-dire je marche le long de cette tranchée. Et ça, je le fais 2-3 fois, jusqu'à ce que ce soit bien intégré, que mon cerveau ait vraiment se soit préparé à l'épreuve qui l'attend. Une fois que cette visualisation est terminée, je retourne au bord du lac, où on a un sauna van, avec un vrai sauna à bois à l'intérieur, enfin un truc traditionnel. Je me change dans le sauna, j'enfile ma combinaison dans le sauna. Et quand je suis bien chaud, je me glisse dans ma dry robe. Hein, donc c'est une énorme robe de chambre doublée de laine à l'intérieur, totalement étanche, qui retient très bien la chaleur. Et là, je vais m'allonger sur la glace, le plus près possible de ma zone de départ. Et je commence ma préparation. Donc là, la préparation, c'est 2 heures qui sont composées d'abord d'étirements thoraciques. On va aller étirer le diaphragme, les intercostaux, le sternum, la partie claviculaire, les dorsaux aussi. Pas mal de mobilisation du volume ventilatoire, avec des gonflages max, vidage max, pour bien mobiliser le volume. Et derrière ça, ensuite, je fais toute une préparation à l'apnée, avec des apnées successives, poumons vides, ça permet de gagner du temps. Voilà, et je monte comme ça crescendo en apnée, en faisant des apnées poumons vides de plus en plus longues. Ça dure à peu près 45 minutes. Là, je me glisse dans l'eau. J'enfile ma monopalme et je me glisse dans l'eau. Je sens l'eau à 0 degré qui pénètre à l'intérieur de ma combinaison et qui se glisse entre ma peau et le néoprène. Ça, c'est pas un moment très très agréable. Mais une fois qu'il est passé, c'est bon après. C'est surtout au niveau des mains, du visage et des pieds où j'étais pas protégé, où là, il y avait vraiment de la sensation de froid. Là, j'attends, je respire calmement. Donc il y a vraiment un recentrage de l'attention et il y a une concentration au sens propre du terme, c'est-à-dire on est vraiment centré sur soi, ses sensations, son objectif. Et en fait, on voit plus grand-chose de ce qui se passe autour. J'ai les yeux à moitié fermés, j'entends un peu ce qui se passe autour de moi, mais pas vraiment. Et là, je me prépare à partir, advienne que pourra. Je dois emprunter ce chemin, d'ailleurs, qui se présente devant moi presque au sens propre comme figuré, c'est-à-dire qu'il y a cette tranchée escable tendue devant moi pendant 175 mètres, et en fait, je m'abandonne à quelque chose qui me dépasse un peu, quoi, c'est-à-dire qui me transcende. Donc c'est un peu comme Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Neil Armstrong. Quand il s'est posé avec son LEM là, sur la surface de la Lune, il se foutait pas mal de savoir s'il allait rentrer ou pas, je crois. Il était en train d'accomplir un truc qui le dépassait totalement. L'idée de mort ne le hantait pas. Alors, je hisse pas ce que j'ai fait au niveau de ce qu'a fait Armstrong sur la Lune, hein, mais je dis que au niveau de l'engagement personnel, c'est un petit peu la même chose. Donc à ce moment-là, il se passe ça. Génial. J'adorais. Ah, c'était extraordinaire. En fait, c'est comme si ton visage était complètement paralysé et en fait, du coup, tout va bien. C'est je pense que c'est là où j'aime bien le froid, c'est justement, ça fige certaines choses dans l'eau chaude, se laisse un peu aller. Et du coup, ça te focalise sur les choses importantes. Moi, c'est des plans en survie, hein, je pense que t'augmentes le côté survie. Ouais. Tu respires pas, il fait froid, il y a tout qui se met en... On veille et il y a juste des parties essentielles qui émergent. C'est assez incroyable. Ah, c'est incroyable, j'ai adoré. De octobre 2018 à Kars en Turquie. Alice Modolo sort de l'eau dépitée et pose alors sa monopane. Elle s'est retournée avant d'atteindre la profondeur annoncée. Alors qu'elle vient d'enchaîner 3 records de France, ce jour-là en Turquie, elle réalise une contre-performance extrêmement décevante. Elle doute. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, elle écrit sa colère, ses peurs, ses doutes, elle évacue. Le lendemain matin, elle annonce une plongée à moins 82 mètres, en bipalme, une discipline qu'elle ne connaît pas. Du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Et donc, au lever, bien sûr, la pression était à son paroxysme, puisqu'en plus je réalisais que 82 mètres, c'était la 4e performance mondiale. Et donc je monte sur le bateau qui me conduit à la plateforme officielle, et j'ai les écouteurs dans les oreilles et je me focalise que sur ma respiration, et dès que je prends contact avec l'eau, tout de suite... Je m'immerge dans ma bulle. Très vite, je me retrouve accrochée au câble officiel avec ce décompte qui résonne dans ma tête. Quand je réponds à la question du pourquoi je suis dans l'eau, ce jour bien précis, à vouloir tenter une performance improbable, audacieuse, c'est comme si elle était déjà faite. Et à ce moment précis, je switch dans un autre mode. Et là, je sais avant d'y aller que ça va être bon. Et donc, je me lance dans cette plongée un petit peu étrangement, parce que je ne connais pas cette discipline. Donc, je laisse mon corps faire. Et il fait instinctivement des mouvements, des battements. En effet, j'arrive au fond très facilement. Et je saisis ce tag... À cette période-là, la remontée pour moi n'était qu'une formalité. Néanmoins, comme c'est une discipline que je ne connais pas, je reste très concentrée parce que le bipalme nous impacte beaucoup plus physiquement. Et donc, en effet, dans les 20 derniers mètres, je sens que les jambes chauffent et je dois ralentir le mouvement. Et je réalise une plongée la plus longue que j'ai pu accomplir dans toute ma carrière. 3 minutes 25 d'effort. Et là, je prends ma première inspiration. Et c'est comme si je me réveillais d'un rêve. Et en quelques mois, eh ben, j'ai explosé mes performances. J'ai atteint 92, qui a été un record de France, puis 95 mètres. J'ai comme ça gravi les échelons extrêmement rapidement. Et puis, j'ai réussi à annoncer 100 mètres. C'était à Honduras, au championnat du monde, en juillet dernier. C'était d'une évidence pour moi qu'il fallait que j'annonce 100 mètres. On m'a dissuadé de faire 92, on m'a dissuadé de faire 95, et bien sûr, on m'a dissuadé de faire 100 mètres. Mais personne ne me donnait des raisons valables de renoncer à annoncer cette performance et cette tentative. Je suis donc sous la glace et là je m'élance avec ma monopalme en ondulation. Une main l'une sur l'autre, bras tendu, hein, bien gainé devant. Et donc, à ce moment-là, je m'engage sur la voie de ces 175 mètres. À partir de 30-40 mètres, j'ai très envie de respirer déjà. Au niveau musculaire aussi, ça devient très vite difficile, avec une vasoconstriction très profonde. L'eau froide augmente ce qu'on appelle les réflexes d'immersion. C'est-à-dire que les réflexes d'immersion, ce sont toute une série d'adaptations physiologiques réflexes qui sont enfouies dans notre patrimoine génétique, et ce qui prouve qu'on est d'ailleurs génétiquement programmé pour faire de l'apnée, et qui se réactivent dès qu'on fait de l'apnée en réalité. C'est instinctif, on ne les contrôle pas. Et ces réflexes d'immersion qui existent chez tous les mammifères, et notamment les mammifères marins, sauf que chez eux c'est un petit peu plus exacerbé évidemment. Par exemple, donc il y a la bradycardie subaquatique, qui est le ralentissement du rythme cardiaque, qui est accompagné en gros d'une vasoconstriction périphérique. Donc le sang va refluer de ce qui est inutile, c'est-à-dire les jambes et les bras, et va refluer vers les organes nobles, entre guillemets, c'est-à-dire cœur, cerveau, poumon, pour les alimenter de manière adéquate en sang et donc en oxygène le mieux possible et le plus longtemps possible, malgré ce qu'on impose au corps. Voilà. Donc c'est un mécanisme de survie, hein, tout simplement. Donc avec ça, la pression artérielle augmente aussi un petit peu, le rythme cardiaque descend. Ce qui déclenche les réflexes d'immersion, en partie, c'est le contact de la face avec l'eau. Donc on a des capteurs au niveau du visage qui détectent en fait quand on est immergé et qui commencent à déclencher ces adaptations physiologiques, donc ces réflexes d'immersion, quand ces petits capteurs sont stressés. Et donc le corps se met vraiment en économie d'énergie et en mode survie. Et là, ça me permet d'avancer et petit à petit de me rapprocher de ces 175 mètres malgré la difficulté. L'envie de respirer, la douleur au niveau musculaire augmente de 30-40 mètres jusqu'à 125 mètres à peu près. Et après, ça atteint une espèce de paroxysme qui fait que ça n'augmente presque plus. C'est-à-dire que les capteurs sont stressés au maximum, je pense, et ça atteint un niveau où ça stagne. Donc c'est très difficile à supporter, mais au moins ça n'augmente plus, quoi. Mais on a quand même très très envie de sortir. Donc la fin, les 50 derniers mètres, ça a été vraiment une épreuve. Ouais. Et là, je me laisse glisser sur les 5-10 derniers mètres. Je fais même un mouvement de bras pour terminer, parce qu'effectivement, mes cuisses sont totalement tétanisées. Et là, je me laisse glisser vers la surface, et je pense pas que j'aurais pu faire plus ce jour-là. Je pense que je me fixe toujours un objectif que je ne dépasse jamais. Et voilà, j'avais fait vraiment le maximum ce jour-là. Je casse la surface, je sors, je m'agrippe à la glace, et là, devant moi, se tient un juge international CMAS. Donc le record a été validé par la CMAS, qui est la Confédération mondiale des activités subaquatiques. Et donc ce juge est là, il est venu de Russie spécialement pour homologuer mon record. Et là, il vérifie mon intégrité, donc si je suis bien conscient et si je suis en pleine possession de mes moyens. Et après avoir validé ça, il me garde à l'observation une vingtaine de secondes et il finit par valider le record. Voilà, et puis fin de l'histoire, la suite au prochain numéro, quoi. L'année prochaine. Ouais. L'année prochaine, la même chose, mais sans combi et sans palme. Et sur cette plongée-là, à 126 mètres, C'est vrai que je me souviens être dans une espèce d'harmonie, de symbiose absolue avec l'eau. Et une fois que je suis rentré entièrement dans la zone de froid, j'abandonne, pour le coup, totalement la surface. Moi, j'aime bien ce moment-là. C'est un peu comme si je rentrais dans l'inconnu, dans un autre monde. Donc je passe les 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres. J'ai toujours les yeux mi-clos, c'est-à-dire qu'ils sont un peu ouverts, des fois je les ferme, mais globalement, plus ça avance, plus je les ouvre. Alors on voit pas grand-chose, on voit que du bleu. Mais ce bleu, il évolue pendant toute la plongée. Et puis aux alentours des 70-80 mètres, l'effet de la pression se fait vraiment ressentir. Au niveau de mes poumons, le volume va s'approcher tout doucement des 1 litre d'air. Dans ces profondeurs-là, on ne peut plus le nier, on doit faire face à ce sentiment d'écrasement, d'oppression. C'est un peu ce qui est le plus difficile à maîtriser quand on fait de l'apnée profonde. C'est arriver à ce que ces sentiments-là deviennent complètement familiers. Et donc le seul moyen, c'est l'acceptation. C'est d'être dans un abandon total. Et à partir de ce moment-là, quand vraiment il y a ce switch qui se fait, là il y a vraiment une sensation de faire totalement corps avec l'eau. Il y a presque une dissolution de la frontière entre l'enveloppe corporelle, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. On a l'impression un peu de se mélanger. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a tout qui converge vers le centre. Moi, je converge vers le centre de la Terre, mes pensées convergent vers l'intérieur, on est dans un état de méditation, et ma matière, la matière de mon corps converge aussi vers une espèce d'épicentre là. Donc il y a vraiment un mouvement global où on rentre profondément en soi. Si on arrive à ça, il n'y a plus aucune limite. Et puis, je passe les 80, 90, 100 mètres. Alors 100 mètres, c'est rentrer dans un territoire que Jacques Mayol a été le premier à explorer. C'est être un endroit où on se dit qu'il y a autant de monde qui était à plus de 100 mètres empalement comme nous que de gens qui sont allés sur la Lune. On passe les 110, les 120. Alors on rentre là dans une zone un peu extrême. On sent qu'il y a pas mal de petits mécanismes qui sont perturbés, bouleversés. Il y a une espèce de petit état cotonneux qui s'installe. On appelle ça la narcose, l'ivresse des profondeurs. En bas, je perds pas de temps. Je récupère une petite plaquette. Mais il y a toujours quand même un moment donné où le regard il balaye ce qu'il y a autour. Et là, je bouge quand même une vision assez extraordinaire. Je me rends compte que je suis dans une espèce d'immensité. Il y a que du bleu partout autour de moi. Il n'y a aucun point de repère. Et là, on est suspendu au milieu de rien. J'ai cette ivresse des profondeurs qui a commencé tout doucement à venir s'immiscer pendant la descente, qui là, par contre, s'installe et prend totalement possession de moi. On va avoir des visions qui peuvent être, une fois, assez anxiogènes. Et puis une autre fois, ça va être très agréable, très reposant. Le seul moyen que cet épisode-là soit le mieux vécu, c'est de faire comme si je mettais un DVD au hasard et puis que je devais obligatoirement regarder le film qui m'était proposé. Puis à un moment donné, dans cette remontée, où je laisse de côté ces sensations de narcose et d'envie de respirer, et bien, il y a le chemin inverse qui j'emprunte. Et donc je repasse dans l'eau chaude. Et ce passage dans l'eau chaude, c'est un premier signal. Permet de savoir que, ah, ça y est, je quitte la zone extrême des grandes profondeurs et je sais que dans très peu de temps, je vais avoir la visite de mes premiers apnéistes de sécurité. Et ils viennent me rencontrer une trentaine de mètres. Et il y a comme une espèce de petite tension qui se relâche à ce moment-là. Et ce jour-là, je sens que j'ai une marge énorme. Donc je profite, finalement. Et puis là, paf, mon visage transperce la surface. Le premier truc que je fais, c'est que je m'accroche au câble. Ce câble qui est la ligne de vie, c'est le lien permanent. Hein. C'est le lien quand je suis en bas qui m'unit à la surface. Et puis quand j'arrive en surface, c'est le lien qui me rappelle d'où je viens. Et là, je respire. Alors je l'ai attendu ce moment. Hein. C'est une délivrance, c'est une renaissance. Et donc j'ai 15 secondes à partir du moment où mon visage sort de l'eau pour réaliser ce qu'on appelle le protocole de sortie. Donc je dois d'abord enlever le matériel que j'ai sur le visage. Donc là, en l'occurrence pour moi c'est un pince-nez. Ensuite je fais cette espèce de signe avec l'index et le pouce, un espèce de rond qui dans le monde de la plongée veut dire bon, que tout va bien. Et troisièmement je dis en anglais I am ok. Et puis une fois que ce protocole est réalisé, j'attends que les juges me donnent le carton blanc qui va valider définitivement ma performance. Septembre 2015 à Chypre en Méditerranée. Guillaume Néry annonce moins 129 mètres. Les juges et l'organisation font une erreur dans la mesure du câble et il descend à moins 139 mètres. Alors qu'il remonte, à quelques mètres de la surface, il fait une syncope sévère. Il est alors placé sous oxygénothérapie. Guillaume Néry arrête alors la compétition, mais pas l'apnée. C'était petit, le Grand Bleu, le film, hein. Ça a été une référence. Quand j'étais petit, j'ai vu le Grand Bleu pour la première fois à l'âge de 10-12 ans. Étonnamment, l'histoire de la vie de Mayol ressemble un peu à la mienne, comme ça, c'est-à-dire sa mère s'est barrée, je crois, quand il était tout jeune. Ma mère, moi, est décédée quand j'étais petit, avec un père assez présent. Voilà, il y a pas mal de déménagements, il a beaucoup bougé, enfin tout ça fait écho en fait à ma propre vie assez étonnamment. Et il y a cet attachement effectivement à l'horizon, à l'océan, un désir de détachement, de poésie, une sensation de marginalité un petit peu, comme si on aspirait à autre chose et que tout ça est intimement lié. Je retrouvais un petit peu tout ça dans ce film et dans cette histoire en fait, réinterprétée par Besson, parce qu'on sait bien que c'est... La vie de Mayol était sensiblement différente. Mais en tout cas, voilà, il a retranscrit ça de cette manière-là, et c'est vrai que ça m'a donné goût à cet univers et à ce sport, en fait. Ça a marqué plusieurs générations, ce film. Hein. Ouais. La fin. C'est quoi ton interprétation, toi, de la fin de ce film ? C'est la meilleure fin qu'il pouvait trouver, parce que ça va avec le personnage, ça va avec cette histoire, et avec cette quête infinie... insatiable de profondeur, etc. Et c'est absolument pas la fin de tous les apnéistes dans le monde. Hein. Les apnéistes sont des personnages très attachés à la vie, en réalité, qui aiment bien respirer. Hein. Mars 2018, Betteville-Franche. Alice Modolo et Jean Barbard annoncent une plongée juste pour le plaisir. La plongée que j'ai faite avec Alice, ça a commencé tôt. Pour une fois, j'avais une combinaison très grosse, parce que normalement, j'en ai pas. Mais l'eau était froide. Et je suis pas vraiment plongeur, je fais ça à moi pendant l'été. Donc le choc d'aller dans l'eau et tout ça, ça prend souvent une bonne 10 minutes. Mais je commençais à trouver ma respiration et Alice m'a guidé une fois presque à 14 mètres. Et donc c'était quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Normalement, je reste à 10 mètres. Et j'ai commencé à plonger tout seul et puis je me suis retiré un petit peu d'elle et des autres qui plongeaient. Et il commençait à devenir un peu noir, comme si c'était la nuit. Et je voyais que... pas loin, un truc qui venait, et c'était un dauphin, et qui je voyais surtout avec la lumière qui existait, le plancton qui éclatait, qui étincelait derrière ce dauphin. Et ce dauphin est venu et il est descendu, et il m'a juste caressé avec son corps, et puis je l'ai pris par l'aileron, et il m'a remonté, et il m'a fait faire le tour de tout le bec. Voilà ce qui s'est passé. Elle a vraiment eu lieu, cette plongée avec Alice ? Elle a vraiment eu lieu, mais pas comme ça. Et je fais de l'apnée l'été, j'appelle ça l'apnée pré-gériatrique. Je reste à 5-10 mètres, mais le contact et la rituel de tenir son souffle, de descendre, de surtout quand on peut rester un peu de temps, et si on peut aller profond, d'être vraiment en contact avec son propre insignifiance, qu'on n'est rien et que vraiment la nature et la terre est beaucoup plus grande que nous, et qu'on est dans cette immensité de bleu, que juste l'acte de tenir son souffle est presque comme un acte d'être dans la mort. C'est aussi, si on regarde le film un peu plus profondément, c'est aussi un film sur le suicide, ce désir de, quand on a le choix, pas d'abandonner ce monde, mais de faire partie de ce monde plus qu'on le fait vivant. Et puis cette énigme de Jacques Mayol, le vrai Jacques Mayol, j'entends. Voilà, en tout cas, ce que j'ai joué, moi, n'était pas le vrai Jacques Mayol. Il y avait un beau film qui a été fait par un Grec qui s'appelle Lefteris Haritos sur Jacques Mayol. Et ce qui est magnifique, c'est que on voit, comme avec Cousteau, on voit un homme dans toute sa complexité, dans tout son génie, aussi bien dans toute sa débilité. Parce qu'il plongeait, il vivait, il voyageait. C'était un vrai aventurier. Et il a payé aussi le prix de ça. C'est-à-dire que aussi, à un certain moment, pour chaque être, le corps ne suivait plus. Il s'est suicidé. Et voilà, il s'est pendu. Il y a 2 ans, j'étais sur l'île de Stromboli, en Italie. Et on m'avait proposé d'aller faire une plongée sur la côté face où il y a le lave qui descend, ça descend 1000 mètres. Et donc, on est allé du bateau, et avant que de mettre les palmes, j'ai dit, donne-moi le masque. Et puis j'ai mis le masque, et puis j'ai regardé, et là, il y avait un bleu sans fin, profond, qui m'attirait comme la mort, comme la paix, comme l'éternité. Et j'ai entendu... Tiens, je t'envoie les palmes. Je dis non, sinon je pars. C'était une émotion aussi forte que ça. On n'est rien dans cette vie. On n'a que nos vies et ils sont sans importance. Nos vies sont rien. Et cet appel de la mort, de l'éternité, elle est là, elle est sensible, elle est palpable. Et donc ça te donne envie de vivre. août 2019, à Roatán, au Honduras, mer des Caraïbes. Alice Modolo annonce 100 mètres. Ce jour-là, en effet, par contre, je réalise qu'il y a beaucoup de courant. Sur les 40 premiers mètres, je suis obligée d'onduler, alors que d'habitude, j'arrête à 25-30. Je suis obligée de palmer jusqu'à 40-45 mètres, parce que je sens que le courant m'emporte. Puis, à partir de 40 mètres, tout se calme, donc... Je laisse mon corps partir et je suis extrêmement concentrée. Tout se passe comme d'habitude. Je suis tellement présente que je ressens pas mon corps en fait. Mon corps, il se fond dans l'eau et je suis vraiment concentrée sur mes oreilles qui subissent la pression mais qui réagissent très bien et les mètres coulent tout seuls. Et sur les 30 derniers mètres, à ma grande surprise, je me refais rebalayer par le courant. Alors une fois, je me réaxe, puis 2 fois, je me réaxe, et 3 fois, et puis boum, j'arrive au fond. L'eau était assez claire, beaucoup plus claire qu'en Méditerranée. Là-bas, l'eau était turquoise, très translucide, on avait une luminosité très importante, et chaud en fait, il fait très chaud à Honduras. Et là, je pars pour ma remontée, et là, je me fais tout de suite chasser par le courant. Et là, je sens l'effort que ça me demande de rester vertical le long des câbles. Et d'ailleurs, j'y arrive pas. Je sens que je suis inclinée, j'envoie des grands coups de palme et j'ai l'impression de pas remonter. Et ça, je le ressens sur 30 mètres. Donc là, je sens que ça va être une plongée engagée. Mais à aucun moment je me laisse distraire et je me laisse impressionner par les conditions. Et je palme, je palme, je palme. Je compte mes ondulations. Il se passe la même chose que d'habitude. Et à 30 mètres, j'entends l'apnéiste de sécurité qui me fait un bruit de gorge. Et ça, c'est un petit bruit qui nous annonce qu'on n'est pas loin de la surface. Et instinctivement, comme d'habitude, j'esquisse un sourire. Et je continue. Et je continue à donner l'information à mon corps d'onduler. À 20 mètres, le deuxième apnéiste de sécurité me fait le petit bruit et je souris de nouveau. Et là, je donne l'information à mon corps de continuer d'onduler. Et là, malgré l'information que je donne à mon corps d'onduler, mon corps s'éteint tout doucement, vraiment très paisiblement, sans qu'il y ait de douleur, sans qu'il y ait d'inconfort. Il se court-circuite vraiment tout naturellement. Les apnéistes de sécurité, eux, me diront par la suite que dès 30 mètres, ils avaient vu que physiquement, j'étais fatiguée. Et ils étaient dans les starting blocks pour me secourir en cas de défaillance. Et à 10 mètres, en effet, ils m'ont aidée, ils m'ont récupérée et ils m'ont ramenée à la surface. Dès que j'ai percé la surface, j'ai repris connaissance. Bien sûr, ils m'ont allongée sur la plateforme, mis sous oxygène pour vérifier que tout allait bien et pour me mettre en sécurité pour que je récupère très vite. Et là, je me rends compte que il s'est passé quelque chose, quoi. Il s'est passé quelque chose dont j'avais pas l'habitude. C'était la première fois pour moi. Ça s'appelle une syncope. Et c'est pas rien. Donc clairement, j'étais pas prête. Et j'ai tout de suite... Bien sûr, je me suis reposée et j'ai récupéré. Mais dès que je suis rentrée en France, j'ai tout de suite replongé. Et ce genre d'incident laisse des traces. Et j'ai bien dit à mon corps que j'allais prendre en considération ce qu'il allait me dire. Et j'ai replongé. J'ai refait une plongée à 90 mètres dans de l'eau froide 3 semaines plus tard. Donc, je pense que pour moi, c'était un événement qui était un événement inévitable dans ma carrière d'apnéiste professionnel. Allez, ma petite dernière. La vie d'un homme, elle se déroule dans un intervalle de temps entre la première inspiration, juste après la naissance, et puis le dernier souffle qui accompagne la fin de vie. Et moi, quand je plonge, finalement, c'est un intervalle de temps aussi, un moment suspendu qui est beaucoup plus court, et qui, lui, se déroule entre une dernière inspiration, avant de quitter la surface, et puis... cette éternelle première inspiration qui marque le retour à l'air libre, le retour de ces grandes profondeurs. Qu'est-ce que je lève ce câble ? Jaune fluo. L'apnée et l'infini. Un documentaire d'Aline Pénito et Gilles Mardi-Rossian. Avec Arthur Guérin-Bouéry, Alice Modolo, Guillaume Néry, Jean-Marc Barre. Prise de son, Romain Lukiens, Olivier Dupré, Jason Taous. Mixage confiné, Régis Nicolas. Remerciements à Cédric Palerme et au Centre de plongée internationale de Nice. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter en retenant son souffle, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et ailleurs et nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Et pour toujours plus de documentaires, abonnez-vous à la plateforme Tank, notre partenaire, qui propose une sélection éclectique, rare et pointue de documentaires d'auteurs. Demain, deuxième épisode, ne faire qu'un avec le grand large. Mais en attendant, restons chez nous, l'oreille collée au poste.